Alors, bienvenue sur le Portel. Venez nombreux. Le carnaval 2025 est attendu. C'est le prime. C'est le meilleur. C'est la fête. C'est excellent. Oui, excellent. Voilà. Il n'y a pas les mots. C'est le dernier jour. Il y a jour. De la joie, ouais, de la bonne humeur. Il y a tout. Mon wish. Wish. Viens jouer avec mon wisher. Oui, je suis pas content. Mon wish, il sera content. Voilà. Bah, alors là, il y a un bal à la mairie de Le Portel. Enfin, sur la place de Le Portel. Et moi, c'est tout ce que je sais, moi. Demandez à, je sais pas, une des deux. Il brûle... Mathis. 44, c'est un pépère. Il crame un monsieur avec des palettes et tout. Il crame un monsieur avec des palettes et tout, il s'appelle Baptiste, le monsieur. Voilà, moi, c'est tout ce que je sais, moi. C'est bon. Ouais, faut chanter des musiques. On chante quoi? On chante quoi? On a rien à chanter, mais ils sont...